Les fugitifs par Hugues Leroux. Devinez où j'ai mangé l'année dernière, loi du réveillon, dit Constantin, en passant sa serviette sur sa barbiche claire ou la sauce perlée en gouttelettes. Nous savions qu'à ce moment-là, notre ami habitait encore son pays natal et je répondis « Vous avez dégusté en famille quelques belles oies de Noël, tuées au bord d'un de vos fleuves sibériens, qui sont plus larges que nos mers ?» Constantin secoua la tête. « Non, dit-il, j'avais déjà quitté mes parents, et je roulais sur la route d'Europe depuis une semaine. Je voyageais en traîneau, pour rejoindre Irkoutsk, les bateaux à vapeur et les railways. Nous avions calculé que nous atteindrions la ville la veille de Noël et nous comptions y faire un relais d'une nuit. Mais les chemins étaient mauvais, et la neige aveuglait si fort nos chevaux qu'il fallut dételer vers 7 heures à quelques verstes d'Irkoutsk, devant la première isba d'un petit village que l'on appelle Zitma, c'est-à-dire Hiver. Comme presque tous les villages sibériens, Zitma n'est qu'une longue rue qui va vers l'Europe. Nos chevaux s'arrêtèrent d'eux-mêmes devant la première flaque de lumière qui barra leur route. La nuit était tellement noire que sans cette lueur, nous aurions peut-être dépassé l'isba. Mais, réveillé par la clarté, mon cocher sauta à terre et alla frapper à la porte. « Oh et oh, l'auberge est-elle voisine, mon petit oncle ? » demanda-t-il à un moujik d'aspect très vénérable, qui avait paru sur le seuil vêtu de sa chemise rouge une lampe à la main. « Pourquoi cherches-tu l'auberge ? » répondit le vieillard. « Ma maison est ouverte pour l'hôte de Noël et mon étable pour ses chevaux. » C'est que j'ai un voyageur avec moi. Il est lui aussi le bienvenu. » Sur ces mots, le moujik déposa sa lampe, sortit de l'isba, s'approcha du traîneau et très poliment m'invita à descendre. Je vis tout de suite que notre hôte était un paysan de la classe aisée, et l'aspect de l'isba me confirma dans cette opinion. Le bâtiment, tout en rez-de-chaussée, était divisé, selon l'usage, par un assez large couloir en deux pièces très vastes. À droite, la gornitsa, c'est-à-dire la pièce pour les fêtes, la chambre où sont les plus beaux meubles et les images de cuivre, à gauche, la cuisine où nous entrâmes. À notre vue, la femme du moujik et ses deux filles qui étaient penchées vers le feu se levèrent pour nous saluer, et le grand-père descendit de dessus le poêle d'où il guettait le tournement des broches. Je me souviens que c'était un très vieil homme. Il rit beaucoup en nous donnant la main, comme quelqu'un qui n'a plus toute sa raison. « Dounia, dit notre hôte en s'adressant à sa fille aînée, « c'est ta place au voyageur pour qu'il se chauffe. » La jeune fille vint avec beaucoup de grâce me débarrasser de ma pelisse. Elle portait le sarafane rouge des jeunesses à marier, et ses cheveux, nattés en une seule tresse, indiquaient qu'elle n'était point encore fiancée. « Je vous souhaite un mari sur le votre cœur, » dis-je, en m'asseyant sur le siège de bois qu'elle m'avait approché du feu. Elle rougit et sortit de la pièce. Le grand-père était venu s'accroupir presque contre mes bottes. Ses yeux semblaient dévorer les volailles. De temps en temps, il me regardait et il riait toujours. Vraiment, on aurait dit que notre hôte attendait ce renfort de convives pour partager son repas de Noël. Il y avait ce soir-là, sur sa table, toutes les friandises qu'un moujik sibérien ne peut songer à réunir qu'une fois par année. D'abord, la soupe au chou traditionnelle, le tchi, puis du gruau au beurre, puis du bœuf, puis les fameuses oies rôties et enfin des noix de cèdre pour nous dégraisser la langue, le tout arrosé de kvass et d'eau-de-vie. Ce festin avait été servi dans la gornitsa, ouverte à notre intention. Nous étions tout une dizaine autour de la table, mon cocher et moi-même assis tout en haut à la place des hôtes. J'avais remarqué en entrant dans cette grande salle une petite table poussée contre la fenêtre sur laquelle était posée une lampe allumée, un pot de kvass et un pain. Toutes les fois qu'un plat nouveau passait sous nos yeux, la fille aînée de la maison se levait et portait un des meilleurs morceaux sur cette desserte. Intrigué, je demandai au moujik. Il paraît, petit oncle, qu'un convive qui t'est cher a manqué à la fête. Ou peut-être as-tu dans la maison quelqu'un des tiens qui est malade ? Tout le monde se tut et les regards des convives se tournèrent vers notre hôte avec un embarras si visible que je fus déconcerté. Mais lui, sans se troubler, répondit d'une voix grave. « Ce pain, cette boisson et cette lampe sont servis tous les jours dans les maisons chrétiennes pour ceux qu'on ne doit pas voir. » Et l'on se remit à boire de la vodka en chantant des airs du pays. J'avais mal compris la réponse du moujik. Je profitais donc d'une seconde où, dans la gaieté de l'ivresse montante, on ne prenait plus garde à moi pour demander à ma voisine « Qui sont-ils, ceux qu'on ne doit pas voir ?»« Les Brodiadji, » répondit la jeune fille en posant un doigt sur ses lèvres, « les fugitifs. » Au fait, je n'y pensais pas. Le village de Zitma est un des premiers sur la route d'Europe en venant de Nirchinsk, où sont les mines de Kara dans lesquelles travaillent les forçats. Comme ce bagne est le plus cruel de tous, c'est par centaines que les condamnés se sauvent chaque année. Bien entendu, ils voyagent de préférence au printemps. Mais on ne choisit pas toujours l'occasion de s'évader. On la prend quand elle vient. Si c'est en hiver qu'elle se présente, on ne peut songer à gagner tout de suite l'Europe. On tente de s'éloigner d'une centaine de lieues et de se louer, pour le toit et la nourriture, chez des paysans. D'ailleurs, du fond de la Sibérie jusqu'à l'Oural, les Brodiadjis ne peuvent vivre que d'aumônes. Quand ils posséderaient de l'argent, les hôtelleries ne sont pas sûres pour eux. Ils voyagent donc la nuit, isolés, sûrs de trouver tout du long de leur route la fenêtre éclairée qu'il suffit de pousser afin de trouver le pain et le verre de kvass qui les attend. On les secourt, car c'est la volonté de Dieu qui leur a ouvert la porte de la fuite. Mais on ne veut pas les voir, pour n'être point tenté de dénoncer leur passage aux soldats qui les poursuivent. Tandis que la jeune fille me rappelait ces détails à voix basse, un léger coup frappé derrière nous à la vitre nous fit retourner en sursaut. Aussitôt, comme par enchantement, les chansons des buveurs s'éteignirent et tous les yeux allèrent vers la petite fenêtre qui poussait du dehors s'entrebâillait. En même temps, une voix qui venait de la nuit et de la neige prononça distinctement « Dieu soit avec vous !»« Et avec toi !» répondit le moujik. Il se leva, mais sans quitter sa place, et ajouta « Nous t'attendions, ta part est servie !» Dehors, on distingua comme le bruit d'un piétinement sur la neige. Puis la fenêtre craqua, s'écarta un peu davantage et une main parut. Il tâtonna un instant, saisit le pain et rentra dans la nuit. Nous nous étions levés, comme notre hôte. Personne ne parlait. Seul le grand-père y est toujours. Et une seconde fois la main reparut et elle prit la bouteille. « Emporte-la avec toi, » dit le moujik sans tourner la tête. « C'est la nuit de Noël. Que veux-tu encore ?»« Priez pour moi, » dit la voix. On entendit le soupir d'un homme qui boit à grosses gorgées, puis, de nouveau, un bruit de pas craquant qui s'éloignait sur la neige. Constantin se tut. Il regardait devant lui, les yeux perdus, tournés vers ces lampes lointaines des moujiks qui, du fond de l'Asie jusqu'aux marges d'Europe, étoilent, dans la nuit sibérienne, la route de ceux qu'on ne doit pas voir. Ainsi s'achève Les Fugitifs par Hugues Leroux.